C'est lui qui vient la chercher, c'est le roi. C'est Alphonse, c'est l'Anse. Je sais tout, son rang, sa naissance, la rapproche du trône. Et moi, malheureux, obscur et sans gloire. Oui, ce titre sera...